Je me réveille à Lille, puisque j'ai dormi là. Je prends mon petit déj, café et Nutella. J'ai la tête pleine de rêves, le cœur plein de camélias. Car chaque minute aujourd'hui me rapproche de Mila.